Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal en langue française dont voici les principales articulations. C'est ce vendredi que le Burundi célèbre le 56e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Gwagasore, héros de l'indépendance, assassiné par balle le 13 octobre 1961. Et plus de 15 maisons ont été détruites dans l'après-midi de ce jeudi sur la colline Fota suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues dans la commune Ndava. Nous sommes dans la province d'Omwaro et l'administrateur communal de Ndava ajoute également que plus de 5 hectares de culture ont été endommagés. Et certains habitants de la capitale Bujumbura ne maîtrisent pas encore le fonctionnement des feux tricolores implantés sur certains axes routiers du centre-ville de Bujumbura. Alors qu'ils demandent des séances de sensibilisation, le président de l'Observatoire de la sécurité routière souligne que des sanctions à la tolérance zéro sont prévues pour les conducteurs qui ne respectent plus les couleurs de ces signaux routiers. Dans ce journal également, nous irons dans la province de Gitega au lycée technique Christ Roi où les effectifs nombreux des élèves vous les éduquer à faire des queues pour avoir à manger, en plus du manque de lits dans les dortoirs. Voilà pour le sommaire. Eric Ouimana sur la mise en onde. À la présentation, vous êtes avec Placide Niyomungé. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, célébration ce vendredi du 56e anniversaire de l'assassinat de l'héros de l'indépendance du Burundi, Prince Louis Gwagasore, le fils du roi Mwambutsa IV Bangiri Tshenge et de la reine Teresa Kanyonga, était né le 10 janvier 1932 à Gitega et est mort assassiné d'une balle près du lac Tanganyika. C'était le 13 octobre 1961. Il fut premier ministre quelques mois avant que le pays n'obtienne l'indépendance. Et dans son discours après la victoire de son parti, Kedi Prona, le prince Louis Gwagasore a mis en avant une véritable justice sociale. Le héros de l'indépendance voudrait également se pencher sur les maux qui hantaient le pays, notamment les problèmes économiques. Je vous prie de le suivre. La victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquillité publique. Car sans autorité forte, aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès. C'est aussi le triomphe de la démocratie telle que le peuple burundais la comprend et la veut. C'est-à-dire la véritable justice sociale plutôt que les formes extérieures d'une démocratisation des surfaces. L'heure est arrivée de se pencher sur les véritables problèmes de la nation. Problèmes économiques surtout, problèmes de la terre, d'émancipation sociale du peuple burundais. Problèmes de l'enseignement et tant d'autres, auxquels nous chercherons et trouverons des solutions qui nous sont propres. Il faut surtout que tous les habitants du Burundi se sentent en paix et en sécurité, que personne ne se croit menacé et que chacun ait confiance de la protection du gouvernement. Les hommes qui se permettront de décourager ou importuner les étrangers ou les adversaires politiques sous le prétexte de la victoire du parti nationaliste seront considérés comme les ennemis de la patrie et seront punis de manière exemplaire. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, nous annonçons une répression énergique et impitoyable, un châtiment dont ils s'en souviendront. Le peuple burundi vient de faire son choix et nous n'avons pas le droit de se voir en exerçant le pouvoir qui nous a délégué pour assouvir nos rancœurs et notre orgueil. Nous lui devons au contraire de nous servir de ce pouvoir pour rassurer tous les hommes, augmenter les membres de nos amis et apaiser les querelles entre Burundi. C'était feu Prince Louis Gwagasore. Vous nous excuserez de la qualité sonore de cet élément. Et alors que certains pensaient que son parti connaît des scissions à l'interne, le premier vice-président de la République, qui est en même temps membre du parti Iprona, dit que ce parti ne connaît aucun problème de division à l'interne. Gaston Sindimo indique que les membres de son parti qui ont intégré les rangs de la coalition Miseria Barundi ont perdu l'identité d'Abadasigana. Et quant à leur retour, le premier vice-président trouvait que ce serait faire une image en arrière. Je vous prie de le suivre. Aujourd'hui, au parti Iprona, il n'y a pas de division. Comment en 61, il y a eu division à l'Iprona? En 65, 64, il y a eu division à l'Iprona parce qu'il y a eu des confrontations entre Joseph Wamina et Jean Rouhama, et tu as décidé au moins, est-ce que ce conflit devait perdurer jusqu'à présent? En 98, il y a eu conflit à l'Ipona. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de conflit. En 2015-2012, il y a eu conflit à l'Ipona, mais le conflit est terminé. Parce que certains ont pris leur choix d'aller dans la misère de Varun. Ils ne sont plus membres du parti Ipona. Aujourd'hui, le parti Ipona n'a pas de problématique aujourd'hui à l'intérieur. Seulement, ce que nous faisons, c'est que comment faire regagner tout ce monde? Comment faire rentrer ces brebis égarées au parti Ipona? Non seulement ces gens qui sont là, la plupart des gens au Burundi étaient tous membres du parti Ipona. Quand tu vas au sein des DFTD, quand tu vas au FODEBU, dans tous les partis politiques, nous constatons que la plupart des gens se trouvent être membres du parti Ipona dans l'OTAN. Alors, pour moi, je dis que ce sont des Ipronistes en mission. Nous attendons que la fin de leur mission, pour qu'ils puissent rentrer au Berkay. Ces gens, c'est les derniers partants, sont les membres de la Misère Baronde. Nous sommes en train de faire tout au niveau de la base pour pouvoir rassembler la population burundaise, rassembler les Badassigana autour des idéaux du prince Louis Gwagasore. Donc, ça, nous sommes en train de le faire, mais ce qui est différent, parce qu'il y a certains Badassigana, c'est qui étaient Badassigana dans l'OTAN, qui se croient que c'est eux les plus Badassigana que les autres. Il y a des Burundais qui se croient qu'ils sont plus Burundais que les autres. Donc, aujourd'hui, cet rassemblement, nous préférons ne pas le faire pour bien avancer au lieu de faire un rassemblement qui va nous ramener en arrière. Mais ratisser large, parce que notre mission, c'est d'amener le peuple burundi, qu'il soit dans n'importe quel parti politique, de considérer le parti Ipona comme un parti d'équilibre, un parti de consensus et un parti de gouvernement. Donc, les membres du parti Ipona ne peuvent pas se comporter comme d'autres formations politiques parce que c'est un parti qui a une lourde responsabilité. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page sécurité de ce journal à 13h02 sur Isanganiro. 17 maisons dans la colline Fota ont été détruites par les pluies torrentielles et qui se sont abattues dans l'après-midi de ce jeudi. Nous sommes dans la commune Ndava, en province de Mwaro. Ces pluies n'ont pas également écarté. Il est parti de la toiture de l'église catholique en place et un poteau électrique situé au terrain de football de Fota. Aloïse Ndenzako, administrateur communal de Ndava, ajoute également que 5 hectares de culture se trouvant dans la vallée entre les collines Fota et Gatsinga ont été endommagés par les eaux de ces pluies. Et le domicile d'un certain Balthazar Nzwenimana de la colline Bulima, commune Mutambo de la province de Bujumbura, a été attaqué la nuit de dimanche à lundi. Balthazar Nzwenimana a été grièvement blessé sur les bras et sur la tête, indique qu'après le forfait, il a saisi les instances habilitées, mais regrette que les agresseurs sont encore libres. On l'écoute. Et c'était dimanche passé, c'était la nuit, à partir de 21h30. J'étais dans la maison, j'étais dormi avec ma famille. Il y a des personnes qui sont arrivées dans ma maison. Et puis, ils ont battu la porte de derrière. Ils ont entré aussi dans la maison. Ils ont me cherché, ils vont me trouver. Ils ont attaché avec les fils. Ils ont amené de l'autre côté jusqu'à 1 km. Pendant la nuit jusqu'à 4 heures. Pour le moment, je suis vraiment dans la vie grave. J'ai essayé pour demander au PG de la commune Mutambo avec l'administrateur de la commune Mutambo. J'ai déjà lui montré ce que j'étais. Au PG, quand il avait vu les problèmes de moi, il a essayé pour me donner l'avis de recherche pour comment on peut trouver les criminels. J'ai demandé à la justice de chercher les moyens pour trouver les criminels. Sur le cas de Balthazar Nzwenimana, l'administrateur communal de la commune Mutambo dit ne pas être au courant de ce cas d'agression et le chef de la colline Bulima n'a pas voulu s'exprimer sur les ondes de la radio Sanganiro. Certains habitants de la capitale de Bujumbura ne maîtrisent pas encore le fonctionnement des feux tricolores récemment implantés sur certains axes routiers de la capitale. Ils demandent au gouvernement d'envisager des séances de sensibilisation. C'est au moment où le monde célèbre le 13 octobre de chaque année la journée de la sécurité routière. Le point avec Lydia Gahimbar. <t'-> Nous sommes sur l'avenue du chaussée du Prince Louis Guagasole, là où se trouve de faits tricolores. Arrivé là, on trouve les passagers qui attendent que la circulation diminue pour qu'ils puissent traverser. Ceux qui se sont exprimés sur notre micro indiquent que ces faits tricolores sont nouveaux au Burundi. Ici au Burundi, ces signalisations sont nouvelles. Il faut sensibiliser les gens sur leur fonctionnement. Par exemple, ceux qui viennent de l'intérieur du pays ne savent rien. Ceux qui sont habitués à ces signalisations sont ceux qui ont déjà voyagé en étranger. D'autres traversent les routes à leur guise. Il faut alors sensibiliser à travers les médias. Une autre personne qui s'est exprimée indique que les passagers ne comprennent pas le fonctionnement de ces signalisations. Les passagers ne comprennent pas le fonctionnement de ces signalisations. Il arrive où ces passagers traversent la route brusquement. Les autres ne savent pas quoi faire pour traverser. Ça peut arriver aussi que ces signalisations montrent que c'est le tour des véhicules. Et comme les passagers ne savent pas les interpréter, il y a une certaine perturbation dans la circulation. C'est pourquoi il faut enseigner la population comment ces signalisations fonctionnent pour éviter les accidents. Ces personnes demandent aux instances habilitées d'organiser des séances de sensibilisation sur le fonctionnement de ces faits tricolores. Lydia Gahimbare demandait des séances de sensibilisation, mais Nixon Habonimana, le président de l'Observatoire de la sécurité routière, demande à la police de sécurité routière d'appliquer la tolérance zéro aux usagers de la route qui ne respectaient pas les couleurs de ces signaux routiers. Suivez Nixon Habonimana. Ces faits tricolores, vous savez, ils datent, il y a très peu, donc il y a à peu près un mois ou deux mois de ces faits tricolores. Oui, en tant que le président de l'Observatoire de la sécurité routière, qu'est-ce que vous suggérez à la police chargée de la sécurité routière? D'abord, j'encourage les médias en général parce que vous savez, les médias, vous avez une voix qui porte loin. En ce qui concerne l'éducation, que ce soit l'éducation à la sécurité routière, que ce soit l'information et la formation, l'utilisation de ces signalisations de la route. Aussi, nous constatons qu'il y a une certaine indiscipline routière. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler tolérance zéro sur les routes du Burundi, qu'il faudrait que tous les coupables soient sérieusement punis. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Dans les nouvelles des provinces, encore une fois, les effectifs nombreux d'élèves se font remarquer au lycée technique Christ-Roi de Gitega. Les élèves sont obligés de faire la queue pour avoir à manger. Une situation qui inquiète les parents d'élèves qui mentionnent également le manque de lits dans les dortoirs. La direction de cette école a confirmé cette situation et précisé que des alternatives sont en cours pour équiper en lit les dortoirs. Le point avec Arthur Kavaouche. Les effectifs élevés d'élèves au lycée technique Sissiva de Mouchasa à Gitega sont dus aux élèves de lycée Moussinzira de Gitega et Rusengo Aruyigi qui ont été transférés car elles sont toutes devenues écoles d'excellence ainsi que les élèves qui ont été orientés. Cette situation ne tranquillise pas les parents qui ont des enfants étant donné que leurs enfants mangent à tour de rôle et selon eux, il y en a qui mangent vers 3 heures du matin alors qu'ils doivent être en classe très tôt le matin. Les parents indiquent que cela va influer négativement sur le rendement scolaire de leurs enfants. À côté de la restauration, les parents contactés déplorent les conditions de vie dans les dortoirs car beaucoup d'élèves dorment à même le sol à cause du manque de lits et de matelas et en plus les bâtiments de cette école ne sont pas destinés à accueillir un aussi important effectif d'élèves. Le directeur du lycée technique Christ-Roi de Mouchasa, Nsamima Donatien, fait savoir que manger à tour de rôle ne date pas d'aujourd'hui et qu'une fois ils ont mangé très tard à cause de la pénurie du carburant et de l'eau qui s'observe ces derniers jours dans la ville de Gitega. En ce qui concerne les dortoirs, ils sont en train de demander aux écoles d'origine de ces élèves des lits et à cet effet, ils ont écrit une correspondance au ministre pour les aider dans cette tâche. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavabushi de Gitega Cap sur les provinces du Nord. La commune Muyinga reconnaît l'association des vendeurs d'eau de la source de Kalemera dans la périphérie du centre urbain de Muyinga. Pour certains habitants, c'est la privatisation d'une source d'eau la plus avisée par les résidents de Muyinga, mais pour le président de la régie communale de l'eau, l'association en soi va uniquement contribuer à l'entretien de la source qui reste ouverte à tous. Le point avec Dieudonné Zeguiman. À certains endroits de la ville de Muyinga, des coins de vente de l'eau dite Kalemera se font remarquer, notamment dans les quartiers Gasenyi et Kiswahili. Un bidon se vend entre 800 et 1000 francs. Les vendeurs de cette eau puisée à Kalemera, dans la périphérie du chef-lieu de la province Muyinga, se sont regroupés à une association dénommée Amadimeza. Par bidon puisé, le vendeur paie 100 francs versés à l'association, dont une part sera versée à la régie communale de l'eau. Pour certains habitants, reconnaître un tel commerce de l'eau, très envié par les résidents de Muyinga, revient à privatiser la source. Niburo Charles, le président de la régie communale de l'eau, précise que cette association n'est là que pour contribuer à l'entretien de la source. Les habitants vont s'approvisionner en eau à l'accoutumée, précise son président de la régie, révéla du même coup que dans la même logique de l'entretien des sources. Chaque ménage va contribuer à hauteur de 500 francs par an dans un proche avenir. Dieudonné Nzeyimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Dieudonné Nzeyimana, qui nous disons également merci. Pour clore cette édition, le programme de développement des filières invite les éleveurs des provinces Ngozi et Kayanza à revégétaliser davantage les courbes de niveau en cette période dépluie en vue de faire face aux problèmes de nourrir les vaches pendant l'été. Le responsable dit Prodéfi dans ces provinces le dit après avoir constaté que bon nombre de vaches mettent trop bas durant cette période suite aux inséminations faites aux frisons et distribuées dans ces provinces. Apollinaire Muzagara, correspondance. Le programme Prodéfi 1 a déjà distribué en province Ngozi 1517 vaches de race frisons entre 2012 et 2015 dans 6 des 9 communes et contre la province Ngozi. Les vaches sont reproduites et sont actuellement à 3312 vaches. En province Kayanza, ces frisons sont aujourd'hui à 1952, alors que le Prodéfi 1 avait octroyé 1132 frisons aux bénéficiaires durant cette période. Le même programme, dans sa deuxième phase, est en train de distribuer en commune Marangara, Gashikanoa et Tangara, environ 800 frisons, toujours en province Ngozi. Le coordinateur du Prodéfi en province Ngozi et Kayanza parle de distribution de telles vaches actuellement dans des zones très rapprochées, en vue de faciliter la collecte d'huile. Le Prodéfi construit à cet effet un centre de collecte aux environs, souligne-t-il. David Nzissavira invite à cet effet les bénéficiaires de ces vaches à planter davantage des plantes fourragères et des arbres destinés à nourrir ces vaches durant l'été, surtout sur les courbes de niveau, des vaches dont l'effectif sera sensiblement augmenté vu le nombre d'inséminations dans ces derniers jours et d'être redistribué. Donc aussi, apprenez Muzagara, Radio Sanganise. Et merci également à Apollinaire Muzagara. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette édition. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle que c'est ce vendredi que le Burundi célèbre le 56e anniversaire du plein de l'assassinat du prince Louis Gwagasore, héros de l'indépendance, assassiné par balle le 13 octobre 1961. Et plus de 15 maisons ont été détruites dans l'après-midi de ce jeudi sur la colline Fota. Nous sommes dans la commune Ndava, en province de Mwaro, suite aux pluies. L'administrateur communal de Ndava ajoute également que plus de 5 hectares de culture ont été endommagés. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Denis Mungere. Bonne journée à tous. Au revoir.